innommable part. Toujours de leur emblème inondé de terreur. Les adultes privés de tous ces illogismes qui régissent la vie, ce qui les rend dormir. Les enfants de la guerre, 50 de mutisme, la folie meurtrière de ces idées d'autisme. Les rêves et les promesses de ces hommes devenus dieux qui jouent avec les fesses de leurs fils devenus vieux. Peut-être pourront-ils un jour voir le fuseau tenu d'un geste lâche en fait crisser le tableau. Des astres de leur vie trop mal manipulés, leur règle s'effrayait de voir la vérité. Nourrissent le démon, crachera le béton. Ils jouent avec les sorts, distors de nos destins, en taillant le corps qui fera mourir de faim. Peut-être pourront-ils un jour voir le médecin, le fil d'un recours, les yeux du pantin. Aveuglante folie, des feux encore brûlants, sanglant de psalmodie, des sorciers trop puissants. Comme des moutons, vénère un lieu vivant de ces spectres mourants. Étrange paradoxe, connus tes yeux les clones, en leur donnant les drogues d'illusoires forfaits. Les enfants du savoir jouent avec les seringues dans leur laboratoire, se rendant tous dingues. L'idée où on blasphème, les gaz de leur cerveau se répandent sans peine, abrègent le fléau. Peut-être pourront-ils un jour voir le fou qui brûle son esprit. Consume comme le soleil, et délivre la démence. Nous sommes les derniers. Je